pour la deuxième partie, nous avons distribué des petits papiers. Vous pouvez poser vos questions. Maintenant, je vous demanderai de bien écrire vos questions afin que je puisse les lire correctement. Pour le bénéfice de ceux qui viennent pour la première fois, j'aimerais vous rappeler que nous avons une promotion qui consiste en ceci. Lorsque vous achetez votre billet pour vendredi prochain, la